qui n'attendait pas l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais tu uses de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Je me repens. Éternel mon Dieu, je m'en...